sur le 96.2 si vous venez nous rejoindre. Chantal avec vous jusqu'à 16h30 pour votre émission Groove Tropical. Et voilà la chose. Gragé coco, gragé coco, c'est doudou. Boulou sexe. Si on prend ma coco là, je mets moi plus fort. Et sous la jette, y'a moins. Si on dit à Jacob, même si on prend ma coco là, aïe aïe aïe. Toute la soirée, en bas coco là. Nous fait des bidous, on nous danse et compte jusqu'à demain matin. Et même si nous fatigués, nous payons, j'y vais commencer. Aïe aïe aïe, toute la soirée, en bas coco là. Ce jeudi après-midi pour un maximum de soleil. On en a beaucoup dehors et puis je crois que ça va durer encore un petit moment et on est bien contents. En tout cas, nous dans les studios, eh ben, il y en aura toujours. Et puis c'était bien sûr Luc Léandri avec un titre qu'il avait. Ouais, c'était dans quelle année ça? Je ne sais plus, dans les années 90 quand même. Pas loin. En tout cas, c'est une belle reprise du jeune homme. Allez, un petit peu de Zouk Love pour commencer cette belle émission avec Stony. Et le titre qu'elle nous interprète, c'est Que toi. Un jour viendra-t-il vers moi? Est-ce que tu ressens cette douleur? Pourquoi ne veut-il pas nous laisser vivre sans peur? Ou Je m'en ai passé, ça n'a qu'à fonctionner. les choses, c'est pas possible. En slow motion, put it down on me. Mais prends tout ton temps, c'est sûr qu'on va chanter toute la nuit. En slow motion, baby, ride on me. Mais prends tout ton temps, c'est sûr qu'on va chanter toute la nuit. Kito, kito, kito, vende la ta coliveto. Kito, kito, kito, vende la ta coliveto. Viens, je te love, partir très loin, viens t'en prendre soin. Viens, je te love, viens, je te love, viens, je te love. Cheveux bouclés laissés dans le vent, tout ce parfum qui se repend. Ça me rend de camille, je deviens de camille. Laisse-moi au moins t'approcher, oh, oh, te toucher, oh, oh, te sentir, oh, oh. C'est ça mon projet, oh, oh. Un bisou, oh, oh. Côté qui caché, civilisation pas manier. C'est vous seulement qui m'aimez. La peau n'a pas qu'à trouver. Pour moi, pour faire découvrir. Oh, en qui j'en la vie, que si créons là. Point n'est pas vrai, et non, qui est quoi nous caler? Oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, quel que soit détecteur de mensonges. Si tu ne crois pas à mes je t'aime, si tu doutes des larmes que j'éponge avant de t'avouer ces poèmes que je t'écris d'un profond de mes larmes devenues grises depuis les flots de mon âme. J'ai du cash dans mon cœur, je suis prêt à surenchérir. J'ai des liasses de fer, oui, à surenchérir. La musique. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Baby, baby, baby, hear me now. C'est moi, moi qui t'ai me tombé. C'est moi, moi qui t'ai me tombé. C'est moi, moi qui t'ai me tombé. frappé main des Pas quitter me tomber oh. Surprise de votre été, monsieur Timiki, avec eh bien oui, un superbe duo avec Mehdi Custos. Et c'était le titre Serrez-moi. On va continuer comme ça avec des nouveautés qu'on part, peut-être pas, bien que. Allez, on retrouve tout de suite Chabat. Moi, j'ai un petit peu craqué pour ce titre avec Bingo. Jusqu'à 16h, votre émission de groupe tropical, et c'est Chantal qui vous accompagne. Yo, yo, yo, yo. tout ça m'a fait. Les bruits avec l'eau, y'est pas qu'à faire bien. Confiance qui s'est garantie. Satisfaction garantie. Fantasme, fond, bon Dieu, fais un bébé. Tous les boulets m'solim, bagué d'aimé. C'est lui qui vit que non, ouais. Tous les boulets m'en fout, bingo. Oui, bingo. Oui, bingo. Oui, bingo. Bingo. Oui, bingo. Oui, bingo. Oui, bingo. Arc-en-ciel. Oh, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Il a peur de dire à ses potes que pour lui les meufs c'est pas que de la baise. Il a peur d'assumer ce qu'il pense et mort quand il dit faut juste qu'elle se taise. Il fait le fort, montre sa musculature. Faire le bronze est plus fun que de montrer sa culture. Et en spread à love dans sa chambre, il gobe devant des films à l'eau de rose. C'est un sentimental, mais il a du mal. Alors il bombe le torse dehors, et puis on en est des M. C'est un sentimental, mais il a du mal. Alors il bombe le torse dehors, et puis on est des M. Il fait le beau gosse, il les traite de pute, et quand les tweets fusent, c'est son heure de gloire. Et dans la vraie vie, quand il croise la fille dont il rêve la nuit, il sent son bavoir. Un cœur fragile dans un monde de brut, un de le mot poussi est une méchante insulte. Il joue au dur car c'est ce qu'on lui demande. Attends, c'est si dommage et qu'il nous mente. C'est un sentimental, mais il a du mal. Alors il bombe le torse dehors, et pleure dans mes DM. C'est un sentimental, mais il a du mal. Alors il bombe le torse dehors, et pleure dans mes DM. C'est un sentimental, mais il a du mal. Très peu de mental, il se met pour une couche. C'est un sentimental, mais il a du mal. Très peu de mental, yeah, yeah. Il est check, moi. Il me dit en le sourire. Pour rester en romantique, boy. Il peut en m'aider, yeah. C'est un sentimental, mais il a du mal. Alors il monte le sort dehors. Il peut en m'aider. C'est un sentimental, mais il a du mal. Très peu de mental, il se met pour le rouge. C'est un sentimental, mais il a du mal. Thank you. Mwen mwen ka mwen mwen ka pete Mwen deboussole c'était Goulam sur le 96.2, groupe tropical, le meilleur du son, qui nous vient de la Caraïbe. Avant de retrouver un petit quart d'heure nostalgique, je vous propose le dernier Milka avec ce titre Answer. Jusqu'à 16h30, c'est Chantal qui vous accompagne. Très très bonne après-midi en ma compagnie. soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Rassembler toutes vos qui ont blessé nous avons viré d'où aller. On t'a dit la vie ouvrage qui ont été naïfs et ont été remémorés que ça va bien arriver. Still remember the taste of my love. We baby, your eyes still smile from your cheeks. And darling, now we'll be loving you till we're 70. Mm-hmm. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just a touch of a hand. Es verdad que yo te dije mentira. vida. También es verdad que aniquilé tu confianza, pero el amor cuando llega se viste de guerra y defiende su causa. Solo hace 3 días he recibido una nota que me rompió el corazón. Yo te pido mi bien, recapacita y haz otra. Otra. No es verdad que yo te dije mentiras. Eran mentiras por miedo a perder ese amor que sosegaba mi vida. También es verdad que a mí cuando llega se viste de guerra y defiende su causa. Llevo 3 días muriendo, puro bachateo, mami, agonizando de amor. Ay, pico, ¿qué puedo hacer? Si se me ha ido la vida, si fue mi esperanza, sigo sufriendo por esa mujer. Vivo sufriendo por esa mujer. Tu amor es como un boomerang que se va y regresa. Tu amor es un rompecabezas que yo no puedo resolver porque le falta un pie. Sé que he fallado, sé que he sido un estúpido y estoy. Analiza tu corazón y devuélveme el amor que me robaste del olvido. Tu amor es como un boomerang que se va y regresa. Tu amor es un rompecabezas que yo no puedo resolver porque le faltan piezas. Yo sé que estás enamorada y que tú no quieres que yo me vaya. Déjate querer, déjate amar, deja esa bobería y métete en mi talla. Baby, you feel my big empire. sens pour moi. Pas ta compte de jumbo. J'aimerais peut-être un amour. Car ouais, raison. Qui fait mes bimas. Fait tomber. Ou fait tomber. Ou fait tomber. Ou à tomber. Ou à tomber. Et puis, ou fait tomber. Ou fait tomber. Ou fait tomber. Ou à tomber. Ou à tomber. Et ma fait la rime, gal. Si on est à main. Gal mi kane bok mwen Bel gran tout sa ou jwen sou kont mwen Gal met tim devwe E gare tine kade Je bakay sa yo pa sop mwen Ke bientou ma ba ou yon de visa Ma mene ou Amerika Pou na fly Pou na voyaje Wai mama ou sambe ou Angelika Wai mama yon mou bonita Wagatan kou mam yon bebe Chak fwa mwen wè ou fèm balkom Mam galo ou ba inef sou kont se mal Collé avant pour la colle. Baby, ou fait ma bégaye, ou pas de parole. Wow, wow, ou fait frisson pour moi. Bacate, ou fait jumbo. Fais-moi péter un amour. Car ouais, raison, qui fait baby, ma paix. Tombele, ou fait tombele. Ou fait tombele, ou à tombele, ou à tombele. Baby, ou fait tombele. Et bien voilà, il est 16h30 sur la chaîne Tout en couleur. C'est sur cette belle note de bonne humeur que je vais vous quitter. Je vous retrouve bien entendu jeudi prochain à partir de 14h sur la même fréquence, 96.2. Ne vous inquiétez pas, je serai vraiment là. En tout cas, du plein de soleil, vous allez en avoir tout le week-end sur le 96.2. Restez bien fidèles à la bonne fréquence. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. It's been a minute since I called you. Just to hear the answer phone. Yeah, I know that you won't get this, but I'll leave a message so I'm not alone. This morning I woke up still dreaming with memories.